lundi 8 octobre, bon à ses yeux. Les récits tirés du livre des juges montrent les nombreuses conséquences négatives de la désobéissance d'Israël à la volonté de Dieu. Peu après l'entrée d'Israël en Canaan, les gens commencèrent à calquer leur vie spirituelle sur les fausses religions de leurs voisins, précisément ce contre quoi on les avait mis en garde. Malheureusement, ce ne fut pas le seul problème qu'ils rencontrèrent. Lisez Juges 17, les versets 6 et Juges 21 au verset 25. Qu'enseignent ces versets sur les autres problèmes qui survinrent du milieu du peuple de Dieu ? Voilà bien la recette parfaite pour la division et la discorde parmi le peuple de Dieu. L'unité de la nation devait être rendue possible à travers son obéissance loyale au Seigneur de l'Alliance, l'Alliance que ce peuple avait conclue avec Dieu. Mais en faisant ce qui était bon à leurs yeux, en particulier en étant influencés par les nations environnantes, ils empruntèrent la voie assurée vers une catastrophe. Nous sommes tous des êtres déchus, et si nous étions livrés à nos propres façons de faire, si nous étions livrés aux penchants de nos cœurs, alors c'est certain, nous serions errants loin du chemin que Dieu nous appelle à emprunter. Que nous indiquent les passages suivants sur les conditions spirituelles et sociales d'Israël à l'époque des juges ? Juges 2, versets 11 à 13, et Juges 3, les versets 5 à 7. Moïse avait décrit les résultats de l'infidélité. En refusant d'observer les clauses de son alliance, les Israélites se privaient eux-mêmes de la vie de Dieu et de la bénédiction qui en découle. Parfois, ils écoutaient ses avertissements et de riches bénédictions s'en suivaient, dont ils faisaient profiter les nations voisines. Mais la plupart du temps, ils oubliaient Dieu et perdaient de vue le grand privilège de le représenter ici-bas. Ils le frustraient du service qu'ils réclamaient d'eux, et ils frustraient en même temps leurs semblables d'instructions religieuses et d'un saint exemple. Ils désiraient s'approprier eux-mêmes les fruits de la vigne dont ils avaient été faits les économes. Leur convoitise et leur cupidité les firent mépriser des païens. C'est ainsi que les gentils furent amenés à méconnaître le caractère de Dieu, ainsi que les lois de son royaume. De quelle manière nos actions en tant qu'Église affectent-elles ceux qui nous entourent ? Que voient-ils chez les adventistes du septième jour qui pourraient leur faire bonne impression ?